À l'occasion de la journée de la brillante étoile, les journaux russes ont présenté les numéros spéciaux avec le portrait en sourire et les photos du général Kim Jong-il. Les journaux russes Zavutra numéro 6, Naotkinski Raboti, Spassk, Zanarodu Nuyu Blasti numéro 6, Komsomolskaya Pravda et Serpo Imolot du mois de février ont exalté les exploits mortels idéologiques théoriques et de la direction de Songun du général sous divers titres, notamment Soleil éternel de Songun.